connais cette chanson. Je la connais cette chanson. Tu la chantes aussi? Vas-y. La maman, la maman du poisson, elle est bien gentille. Trace de pied. Regarde, il peut faire une chaussure avec. Ouais, une chaussure avec le sable. Hein? Voilà. C'est trop chaud. C'est trop chaud au soleil. Hein? Quoi? Le soleil, c'est trop chaud. C'est un bébé. Oui. La maman des poissons, elle est bien gentille. Oh non, non, elle aime bien avec du citron. Regarde ce que je fais. Ouh, oui, c'est bien. Ça fait mal? Quoi? Ça fait mal? On a trop du sable, trop de. Ah! Allez, on va plus se. Ah non, on a trop du sable! Du vieux sable! Ah! Oui! C'est quoi, des crabes? Regarde, j'ai attrapé un crabe. Ah oui, un crabe. Il m'a pincé. Ouh. Pic, pic, il m'a pincé. Tac.